الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Donc le prophète, والسلام, il dit, le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Et donc, masha'Allah, nous sommes à la fin du Ramadan, masha'Allah, et il y a un autre point important, c'est le zakat. Le zakat est obligé sur les musulmans et sur tout le monde qui a nafaqat. يعني من أبوين فقيرين والزوجة والأولاد قبل البلوغ يجب يدفع عليهم زكاة. إذا كان عنده ما يكفي لملبسه وقوته يوم العيد وليلته، إذا كان عنده ما يكفي عن الدين زائد عن دينه وعما اعتيد من حلوى يوم العيد وما يلبسه يوم العيد التجمع، إذا كان عنده زائد هنا يدفع الزكاة على كل واحد صاع من قوت من غالب قوت البلد. عند العلماء صاع 4 أمداد غالب قوت البلد، مثال في القمح في كثير البلاد، في بعض البلاد الأرز كالهند وغيرها، على كل واحد يدفع. عند المذهب الحنفي يجوز دفع القيمة. يعني في الناس يسألوا ها ولا، بعضهم يقول لا تدفع كل شيء للأكل، بعضهم سمعنا بعض الناس. فنحن لا ننكر اختلاف المذاهب، عند الحنفي يجوز، وأكثر الناس يعملون بمذهب الحنفي تدفع القيمة. به القيمة هذه عند الحنفية 3 أمداد مش 4 حفنة، يعني المد هو ملء الكفين المعتدلين، مش كف صغير مش كف كبير، الكف المعتدلة قالوا مثل كف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا 3 حفنات جي كما كتبنا هنا 2 كيلو و100 جرام 145 جرام تقريبا، والكيلو قمح من فرنسا تقريبا 2 أورو، فالزيز كيلو هذا ما عدوش 5 أورو، بعض الناس يقولوا 7 أورو، ما الله أعلم كيفاش حسبوا. أما هكذا يعطي 5 على كل واحد وينوي الزائد صدقة، لأنه التحديد هي أقل من 5 أورو، هي قيمة 2 كيلو 145 جرام قمح، لأنه أغلب قوت البلد لهنا هو القمح، خبز كذا والليبات هذا والمقارون كلها بالقمح. إذن أو إذا حب يتبع مذهب الشافعي ومالك والمذاهب الأخرى يعطي مباشرة قمح يصح. وهذا قول من فتوى الحنفية، فتى الحنفية أكثر الناس استعملها، تسهل للناس وكذا. إذن هكذا، لهذا باش يعرف تعطيها مباشرة للفقير المسلم أو توكل إنسان أحسن، هي مباشرة إذا تعرف فقير مسلم أحسن، يكون إذا كان المسلم التقي أو القريب أولى الفقير. السنة يوم العيد قبل صلاة العيد السنة، يكره بعد الصلاة ويحرم بعد الغروب ويجوز في كل رمضان. دونك parmi les choses importantes، donc on est vers la fin de Ramadan، parmi les choses importantes la zakat c'est un devoir pour les musulmans، pour ceux qui sur lui surtout ceux qui sont à sa charge، enfants qui sont pas pubères et parents musulmans pauvres، parce que quand ils sont pauvres, on doit subvenir à leurs besoins. Et l'épouse. Sur chacun, il donne un sa'a. C'est-à-dire 4 fois le plein des 2 mains joints de taille, pour les mains de taille moyenne, de la nourriture de base la plus couramment consommée. Comme le blé, dans certains pays c'est le riz. Selon l'avis des Hanafis, qui est le plus utilisé dans le monde, et qu'on ne peut pas renier, comme certains y renient, c'est on peut donner l'équivalent en argent. Alors que chez les Hanafis, c'est 3 fois le plein des 2 mains joints. C'est pas 4, c'est 3 fois Donc, c'est pour ça qu'on a évalué les trois fois à 2 kg, 2 kg et 145 grammes. Alors, le kilo en France, c'est à peu près 2 euros. Donc ça ne dépasse pas 5 euros, en fait. Donc, on met l'intention, ce qui est plus, c'est Sadaqa. Donc, voilà pour ceux qui se disent pourquoi certains disent 7 euros. Allah a'lam, comment ils ont calculé 7 euros? Ou est-ce qu'ils ont suivi aveuglément, comme d'habitude? Mais là, c'est ça, donc, c'est 5 euros. Mais ce qui est en plus, c'est Sadaqa. Sur chaque membre de ceux qui sont à sa charge. Même un nouveau-né qui est né le dernier jour de Ramadan, qui est resté jusqu'au Eid. En fait, c'est tous ceux qui sont restés vivants, une partie de Ramadan et une partie de Shawwal. À la kulman, yani, baqiya hayyan, juz' min Ramadan, ou juz' min Shawwal, les huwa ba'd Ramadan. S'il a ce qui suffit pour, en plus de ce que ses moyens de base, nourriture de base, logement, habillement de base et ses dettes, s'il a en plus ce qui suffit pour le jour de l'Eid et la nuit qui suit, là il va sortir pour Zakat. Il peut donner directement le mieux à des pauvres musulmans, il peut mandater. Si c'est un proche, c'est bien aussi, donner un proche pauvre. Là il y a une sannie, nous y a une nuit. N'oublie pas l'intention que ça c'est la zakat obligatoire. Donc il met l'intention que c'est la zakat obligatoire. Donc il donne aux pauvres musulmans, il mandate quelqu'un qui est en confiance. Donc c'est pas valable de donner par virement ou des choses comme ça, au mandat. Quelqu'un, par exemple, il veut donner au bled, certains, ils ont dit c'est valable, mais comment il fait? Il mandate quelqu'un par téléphone, il dit je te mandate, tu donnes la zakat. Et l'autre, il donne de sa poche et après ça devient une dette, tu le rembourses lui. Mais il ne dit pas je t'envoie un mandat, non. Il dit je te mandate, tu payes la zakat et moi je te rembourserai après. Il peut mandater quelqu'un aussi. Il y a un yakdar yuwakkil insan, yani bil hatif, hatta yadfa anhu. يدفع عنه بعد هو يعطيه المال لك لا يرسلها مال وفيغمان وكذا هذا ما يمشيش بالمال مباشرة لا تعطى لأي شيء الزكاة ما تجيش للمسجد أو للإمام أو كما بعض المساجد يعملوا أو للبناء أو الدهن ده. يعني مذكورين في القرآن أصناف الثمانية الفقراء إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين نسيت والغارمين غارمين وفي سبيل الله وابن السبيل غارمين يعني مديون غرق الديون يعني حال الأجل إذا حال أجل تجب تعطيه دين يعني في أمور حلال. Donc on ne donne pas n'importe quoi pour une association, construire une mosquée ou un hôpital, ce n'est pas valable. C'est 8 catégories citées dans le Coran, parmi les pauvres, endettés, donc que des musulmans bien sûr, et les musulmans, donc endettés, la dette est arrivée à échéance, pauvres. Généralement on donne le plus c'est aux pauvres, pauvres musulmans, donc on lui donne donc, la zakat. Et une autre condition, il ne faut pas sadaqa la tahill li bani Hashim wa bani al-Muttalib fil hadith min dhurriyyat ar-rasul ya'ni alayhi salatu wassalam Fatima wal Hasan wal Husayn la yu'ta yani hada kunish mansub yani kama qulna ash-shurafa yusamuh. Donc c'est pas, c'est une condition qui soit pas descendant du prophète qu'on dit sharif mansub bani Hashim bani al-Muttalib. Les descendants de ceux-là, ce n'est pas valable de leur donner la zakat, même s'ils sont pauvres. Ça, il y a des détails dans la religion, c'est à cause d'un hadith. Donc, si quelqu'un il sait qu'il est d'une famille descendante, il ne peut pas prendre la zakat. L'insan y'arif un nam'a ila sharifa kima ba'd al-aylat ma'arufin fil maghrib al-arabi, shurafa, la y'akhud al-zakat hada wa la y'ahillu a'ta'u al-zakat. Donc voilà, ça veut dire la zakat, c'est une chose importante. Donc, on ne donne pas à n'importe qui, on donne des gens qui connaissent. Il n'est pas permis de donner à n'importe qui, on donne à des gens qui connaissent, c'est à qui ça se donne. Et donc, la Bouddha يعطاها الإنسان يعرف المصارف ويدفعها في مصاريفها وليس يعني يأخذها للمسجد أو كما يفعل بعض الناس. إذن هذا الزكاة ما ينساش النية et n'oublie pas l'intention pour quand il donne, que ce soit que c'est la zakat sur le corps. Zakat على البدن هذه تسمى. Donc voilà pour la zakat, inshallah. Donc la personne n'oublie pas donc de donner la zakat. Et إذا كان عنده أولاد بالغين يستأذنهم. Mais صح شيء يدفع عنهم هكذا. بالغين يستأذنهم. Et aussi s'il a des enfants pubères, il leur demande la permission. Les enfants pubères, c'est à part. Il demande la permission pour donner sur eux. C'est pas valable de donner sur les enfants pubères sans leur demander la permission, parce qu'ils sont pubères. Donc ils sont donc ça change le jugement. Donc il leur demande la permission. يعني البالغين والأبوين الفقارين يعطي عليهم لأنه هو واجب عليهم فقارين. Les parents pauvres musulmans, ils doivent subvenir sur eux, donc il doit donner la zakat sur eux. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin, Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da', subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al-mursalina, alhamdulillahi Rabbil Alameen.